Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les échanges à l'hiver. Bonsoir. Bienvenue à la première des échangeurs d'air pour la saison d'automne-hiver 2022 de CKRL. Ici Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Michel Marcoux sera à l'animation de l'émission une fois par mois et j'assurerai l'animation pour le reste. Notre nouveau créneau est le dimanche soir de 19h à 21h après avoir été plusieurs années les mercredis soirs. Le concept de l'émission reste le même, soit une sélection de musique de tout genre et toute époque confondues. Nous avons changé le thème musical de l'émission qui sera en fait différent à chaque émission, une sorte de variation sur le même thème. Ce soir, je vous propose un choix de musique éclectique avec quelques nouveautés récentes. Alors, on débute avec le poète, écrivain, humoriste et chanteur écossais Ivor Cutler. Bonne soirée à notre antenne. Thank you. Thank you. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et je vous rappelle que vous écoutez la première de l'émission Les Échangeurs d'air pour la saison d'automne-hiver 2022 de CKRL. Alors, vous avez entendu dans ce premier bloc Unity Purity Occasional, une pièce du groupe franco-britannique Stereolab. C'est extrait d'une compilation qui est parue récemment, Pulse of the Early Brain, qui est en fait le numéro 5 de la série Switch On, une compilation qui contient des samples et des versions inédites de chansons du groupe. Ça a été précédé par la pièce Zoom, qui s'écrit Z-U-U-M, du groupe britannique qui est basé à Londres, Vanishing Twin. C'est extrait de l'album Uki Geku, qui est paru en 2021. Vanishing Twin, c'est un groupe de pop psychédélique qui a été fondé par la chanteuse et guitariste Cathy Lucas. On a débuté le bloc avec I Had a Little Boat du poète, écrivain, humoriste et chanteur écossais Ivor Cutler. C'est extrait de son album Ludo qui est paru en 1967. Ivor Cutler s'est fait connaître sur les ondes de la BBC en 1967. Et il s'est aussi fait connaître en jouant le rôle de Buster Bloodvessel dans le téléfilm des Beatles Magical Mystery Tour. On peut aussi l'entendre sur l'album Rock Bottom de Robert Wyatt. Alors, on poursuit avec Juste quelques flocons qui tombent du chanteur français Antoine. Sur les dernières traces de pas, depuis plusieurs jours, la vie est morte. Les seuls vivants, c'est toi et moi. Juste quelques flocons qui tombent tard dans une rue du marais. La rue est blanche, le blanc m'inonde. Tu es si douce à mon côté. Juste quelques flocons qui tombent. Je ne sais pas ce qui les a tués. Ils avaient si peur de leur bombe, c'est autre chose qui est arrivée. Ils étaient si fiers de leur monde, ils l'ont cassé en poussant sur un bouton. Juste quelques flocons qui tombent. Je t'aimerai, mais nous serons prudents pour ne pas refaire un monde. Adam et Ève ont raté le précédent. I seem to be alone. do publicity balling for you anymore. The first word in this song is discorporate. It means to leave your body. Discorporate and come with me. Shifting, drifting, cloudless, starless, velvet valleys and the sapphire sea. Wah wah, unbind your mind. There is no time to lick your stamps and paste them in. Discorporate and we will begin. Wah wah, flower power sucks, sucks. Diamonds on velvets, on gold, on sucks, sucks. On comet, on cupid, on honor and blitzen. On up and away and afar and a go go. Escape from the weight of your corporate logo. Of velvet and satin to music by magic by people that happen to enter the world of a strange purple jello. The dreams as they live them are all mellow yellow. Unbind your mind, there is no time. Bind. À l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez la première de l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce deuxième bloc Absolutely Free de Frank Zappa and the Mothers of Invention. C'est extrait de l'album We Are Only In It For The Money, un album qui est paru en 1968. Juste avant, vous avez entendu Love Without Sound du groupe britannique White Noise. C'est extrait de l'album An Electric Storm, qui est paru en 1969. White Noise est un groupe de musique rock, psychédélique et électronique expérimentale qui a été fondé par le musicien d'origine américaine David Warhouse après sa rencontre avec Delia Derbyshire et Brian Oxon de la BBC Radiophonic Workshop. Ça a été précédé par Cloud Song du groupe américain The United States of America. C'est extrait de l'album The United States of America, un album paru en 1968. The United States of America est un groupe de rock psychédélique et électronique expérimental américain qui a été fondé en 1967 par le musicien et compositeur Joseph Byrd avec la chanteuse Dorothy Moskowitz ainsi que Gordon Maron, Ram Forbes et Craig Woodson. On a débuté ce bloc avec juste quelques flocons qui tombent, une pièce de 1967 par le chanteur français Antoine. C'est extrait d'une compilation Les Élucubrations, juste quelques chansons, compilation parue en 1993. Après la pause, Lou Reed. Thank you. I'm waiting for the man, words and music, Lou Reed. $26 in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for the man. Hey, white boy. What you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Oh, pardon me, sir. Nothing could be further from my mind. I'm just waiting for a dear, dear friend of mine. All dressed in black. Be your shoes and be your hat. Come on. Thank you. He's never early, he's always late. I'll catch him next time. The nothing more than bad, you always got to wait. Everybody's pinned you, but nobody cares. He's got the words to give you a sweet taste. Then he's gotta leave because he's got no time to waste. I'm just waiting for the man. Baby, don't you holler. Darling, don't you bawl and shout. I'm feeling good, and you know I'm gonna work it on out. I'm feeling good, oh, I'm feeling real fine. Until tomorrow, but that's just some other time. I'm waiting for the man. Walking down. State Street, just walking down Main, looking for the man who's got cocaine. Cocaine, cocaine, cocaine, running round my brain. You got a nickel, babe, I got a dime. You buy the coke, I buy the wine. Cocaine, cocaine, cocaine, running round my brain. Cocaine, cocaine, running round my troubled brain. Cocaine, cocaine, cocaine, running round my brain. Motherless sister will do when your mother is dead. Mother is dead. Some people will say that your sister will do when your mother is dead. Some people will say that your sister will do, but when she gets married, turns her back on you. Motherless children have a hard time when their mother is dead. Silver spade when I'm dead. When I'm dead. Go and dig my grave with a silver spade when I'm dead. Go and dig my grave with a silver spade and just make sure that the digger gets paid. Motherless children have a hard time when their mother is dead. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez la première de l'émission Les Échangeurs d'air pour la saison d'automne-hiver 2022 de CKRL. Alors, vous avez entendu dans ce dernier bloc Motherless Children, une pièce enregistrée dans la région de Montréal entre 1963 et 1964 par le groupe Mountain City Four. C'est extrait de l'album qui vient de paraître Mountain City Four. Les Mountain City Four étaient constitués de Jack Nicholson, Peter Weldon, Kate McGarrigle et Anna McGarrigle. Donc, il s'agit des premiers enregistrements des sœurs McGarrigle dans un quatuor folk qui a été actif de 1963 jusqu'à 1967. Ça a été précédé par Hesitation Blues du groupe américain The Holy Model Rounders. C'est extrait de l'album The Holy Model Rounders, qui est leur premier album paru en 1964. Ça a été précédé par Cocaine Blues du duo de folk américain Jonathan and Lay. C'est extrait de l'album Third and Main, un album qui est paru en 1967. Et on a débuté le bloc avec un démo de 1965 de la pièce I'm Waiting for the Man de Lou Reed. C'est extrait de l'album qui est paru récemment Words and Music. Il s'agit de démos qui ont été retrouvés dans le bureau de Lou Reed. Alors, on poursuit avec Mark Bolan. Da, da, da, da, da, da, da, da. Am I alone on the roof here? Yep. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Just be dressed in the dark and still Jungle, so he travels with the pack. When folks À l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez la première de l'émission Les Échangeurs d'art pour la saison d'automne-hiver 2022 de CKRL. Vous avez entendu dans le dernier bloc Chico's Girl, une pièce de 1963, interprétée par la chanteuse américaine Susan Barrett, de son vrai nom Mary Barrett Hartford. C'est extrait de la compilation Lost Nuggets from the 60s, Girls in the Garage, 1963-1967, une compilation parue en 2020. Ça a été précédé par Screw You, une pièce de 1970, par Ramesses and Selkett, ou Ram and Sel. C'est un groupe de rock psychédélique un peu mystique. Ça a été précédé par la pièce Linda, du musicien britannique d'origine américaine David McNeil. C'est extrait d'un 45 tours qui est paru en 1969. David McNeil est le fils du peintre Marc Chagall. On a débuté le bloc avec Jasper C. Debussy, une pièce de 1966, interprétée par le musicien britannique Mark Boland. C'est extrait de la compilation Prehistoric, une compilation parue en 1995. Après la pause, l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. Thank you. des conteneurs européens remplis de pommes pour la Chine croisent dans l'océan Indien des conteneurs chinois remplis de pommes pour l'Europe. Ah, ah, ah. De jeunes paysans africains partent ruinés vers l'Europe pour cueillir des tomates qui sont envoyées en Afrique. Ah, ah, ah. We'll be right back. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez la première de l'émission Les Échangeurs d'air pour la saison automne-hiver 2022 de CKRL. Vous avez entendu dans ce dernier bloc Giga for Beginners du duo allemand Pretty Lightning. C'est extrait de leur album Dust Moves, qui est paru un peu plus tôt cette année. Ça a été précédé par Opening Titles des Britanniques The Sorcerers. C'est extrait de l'album In Search of the Lost City of the Monkey God, un album qui est paru en 2020. Et on a débuté le bloc avec la pièce Flux, de la formation à géométrie variable d'origine suisse, orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. C'est extrait de l'album We're Okay But We're Lost Anyway, un album qui est paru en 2021. On poursuit avec The King and Queen of Waters du groupe suédois Extawell. Thank you. j'habite le vent, mon corps est une flamme. Je montre les dents aux fleurs et aux gendarmes. Le soleil me suit, je ne connais pas Dieu. Le monde est mon lit, le vent souffle où je veux. Comme une chimère, comme un animal sous ma moto panthère tremble entre mes genoux. Et toi, Blanche-Neige, pauvre colombe, avec ta douce figure. Toi, Blanche-Neige, grosse colombe, retourne à tes confitures. Beauté de cuir noir, je suis la femme feu, la femme jaguar au cou cérémonieux. Mes doigts sont autant de seringues mobiles, mes bras des serpents, de longs serpents fragiles. Mes reins sont en fer et mon ventre en satin, mes cuisses dans leurs joues comme des dauphins. Toi, Blanche-Neige, jeune rombière, avec ta bouche vermeille. Toi, Blanche-Neige, jolie ma mère, va faire tes tartes aux groseilles. J'aime quelquefois les minets pâles et chauds qui fondent sur moi comme l'aigle sur l'agneau. J'aime les brutaux au large cou cuivré qui gardent un chapeau pour me déboussoler. Quand c'est terminé, ils gisent comme des vieux un peu disloqués, des lacs bleus sous les yeux. Toi, Blanche-Neige, blanche mignonne, sensuelle comme une momie. Toi, Blanche-Neige, tendre bobonne, va donc moucher ton mari. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez la première de l'émission Les Échangeurs d'air pour la saison d'automne-hiver 2022 de CKRL. Vous avez entendu dans le dernier bloc la pièce Miraggio, une pièce des années 70 composée par Giuliano Sorgini. C'est extrait de la compilation Africa Oscura, une compilation parue en 2018. Giuliano Sorgini, c'est un compositeur de musique de film et de musique d'illustration sonore. Juste avant, vous avez entendu Blanche-Neige, de la française Brigitte Fontaine. C'est extrait de l'album Brigitte Fontaine est folle, un album qui est paru en 1968. Ça a été précédé par Another Sunset, du musicien américain Benny Yurko. C'est extrait de l'album You Are My Dreams, un album paru en 2020. Et on a débuté ce bloc avec The King and Queen of Waters, une pièce interprétée par le groupe de musique exotica originaire de Suède, Extawell. C'est extrait de l'album Eden Abbez Dharmaland, un album qui est paru en 2021. Après la pause, Elodie Lotten. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez la première de l'émission Les échangeurs d'air pour la saison automne-hiver 2022 de CKRL. Vous avez entendu dans le dernier bloc Salon de musique de la chanteuse et compositrice américaine Sue Tissou. C'est extrait de l'album Salon de musique, un album paru en 1984. Sue Tissou, de son vrai nom Sue McLean, est aussi connue pour être la chanteuse du groupe américain de post-punk Suburban Lounge. Ça a été précédé par la pièce Salerne du groupe Soft Verdict. C'est extrait de l'album Struggle for Pleasure, un album qui est paru en 1983. Soft Verdict, c'est le groupe du musicien de musique minimaliste belge Wim Mertens. On a débuté le bloc avec Cat Counterpoint, de la musicienne américaine d'origine française et algérienne Elodie Lawton, de son vrai nom Geneviève Chechroun. C'est extrait de l'album compilation Piano Works Revisited, un album qui est paru en 2010. On poursuit avec une nouveauté du groupe irlandais Cormorant Trio. Thank you. quack. Look at some icicles melting. I got it. Thank you. C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce soir. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Vous avez entendu dans ce dernier bloc la pièce Mizu no Naka no Imitsu du groupe japonais Mami, qui s'écrit M-A-M-M-Y. C'est extrait de la compilation Somewhere Between Mutant Pop, Electronic Minimalism and Shadow Sounds of Japan 1980-1988, une compilation qui est parue en 2021. Ça a été précédé par S is for Everything du groupe américain The Books. C'est extrait de l'album The Lemon of Pink, un album qui est paru en 2003. On a débuté le bloc avec Sphere of the Sensory de Cormorant Tree O. C'est extrait de l'album Swoon Tide qui vient tout juste de paraître. Cormorant Tree O, c'est le projet de la musicienne irlandaise originaire de Dublin, Mary Keane. Alors, c'est tout pour nous ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.